bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, félicitations, on va avoir beaucoup de plaisir. Et si tu le demandes, ben oui, je critique les foules. Ça veut dire que je suis avec toi, Crowd. Je m'amuse, je me grille la couenne, étant donné qu'il y a bien des festivals à l'extérieur par les temps qui courent. Et je teste le trash, je vérifie si humainement c'est bien agréable d'être avec toi. Et toutes ces choses qui font que le spectacle est beaucoup plus que sur la scène. Et pour les habitués, ben oui, je l'avais dit la semaine dernière, je tiens mes promesses. Ben oui, suite de EV Montréal, la partie 2. Mais là où il y a un mensonge, c'est parce qu'il y a aussi des tout-skis de... ce que j'ai pas eu le temps de compter la semaine dernière, mais que je trouvais tout à fait intéressant de le relater sur les ondes de La Marge. Alors voilà, vivons un peu dans le passé. Et de toute façon, pour faire des critiques, il faut toujours bien que le show soit passé. Fait qu'on est éternellement un peu nostalgique de ce qui s'est passé sur les ondes de CISM. Mais on voit toujours de l'avant musicalement, ça c'est sûr. Et entre autres, je vais commencer avec une chanson qui vient de sortir sur Internet. Je dis une chanson, mais elle se retrouve sur un EP complet de Nicolas Vien, que vous connaissez aussi comme membre de Jet Cool. Et vraiment, je trouve que c'est le genre d'album qui fit vraiment avec l'été, tout comme Jet Cool. Alors si vous aimez le groupe, vous allez sûrement aimer son projet solo. On s'en va entendre tout de suite la chanson Un vœu. Si vous avez apprécié, allez tout de suite télécharger sur son Bandcamp à Nicolas Vien cette chanson et tout son EP qui porte son nom, Nicolas Vien, ça donne bien. Et voilà, vous avez aussi entendu la chanson Un vœu et vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM qui a fait complètement exprès là, pour mettre une toune qui détend, qui est rafraîchissante, qui fait soleil, été, parce que j'ai mis beaucoup de métal comme chanson sur les ondes de CISM. Ça va être tout ça, toute la suite, ça va être très, très... Ouais, brutal! Enfin, j'espère que vos oreilles bien préparées vont bien l'apprécier parce que je devais bien être thématique en ce deuxième spécial EV Montréal. Et oui, ça avait lieu le 28 juillet et la suite le 29 au Parc Jean-Drapeau, tout en rénovation. Et EV Montréal, tout en retour parce qu'on le sait bien, ça a pris un break l'année dernière. C'est quand même, ouais, la même, j'allais dire la même, le même festival, mais j'avoue que j'ai bien aimé cette formule-là. Avec en tout un, deux, trois, quatre scènes. Ouais, je sais qu'il y a d'autres activités telles que de la lutte, mais bon, je ne ferai pas la critique de Crowd de Evimania. Peut-être un jour, mais pas cette année. Et j'avais pas terminé la semaine dernière de vous jaser, ben oui, de ma fin de soirée tout en pluie. Je vous ai parlé rapidement de Ginger qui, justement, est obligée d'interrompre sa prestation à cause de la pluie. C'était quand même... c'était quand même drôle. Ben, comme maman, non, je riais pas, mais c'était quand même drôle que la pluie soit si forte que je peux même pas garder les yeux ouverts et surtout que le groupe avait l'air à de petites marionnettes parce qu'eux autres, ils comprenaient pas qu'il y avait plus de son, fait qu'ils continuaient. J'avais l'impression d'assister à un airband, tu sais, comme ils air jouaient de tout, mais avec des instruments et un micro. Mais sinon, on a eu droit à une belle prestation. Mais on est tout mouillé, on est tout mouillé. Et j'avoue que juste avant Ginger, il y avait Marilyn Manson qui jouait et j'ai un peu butiné d'une scène à l'autre. Parce que Marilyn Manson, je l'ai déjà fait la critique à Critique de Crowd. Je crois que c'est dans ma deuxième saison, fait qu'on est en 2013 au Metropolis. Je crois... Ouais! Que je suis très contente d'avoir vu ce spectacle-là à l'époque. Je pense, au début, j'étais excitée parce que oui, comme bien des ados, j'en ai écouté pas abondamment, là. Je suis vraiment pas une fan finie, même comme pas du tout, là. Je l'apprécie, point. Fait qu'à cette époque-là, c'est drôle, dans la salle, il y avait des commentaires comme quoi, il commence à, tu sais, il se répète dans sa mise en scène. Il est un peu moins en forme. Et, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est l'inverse qui se passe dans la foule. Et je trouve ça un peu triste. Ou peut-être que Marilyn Manson est très chanceux parce que, un, son fanbase le suit. Deuxièmement, il est complètement... Ah, il est plus en forme. Ah, au moins, il se tient debout. Ah oui, il finit ses chansons. Tu sais, on est rendu là en tant que fan. On est comme content qu'il finit un show. Je me dis, c'est pas normal. Dans le sens où, oui, ça peut être triste comme physiquement, tout y peut y arriver, les dépendances. Mais ça reste quand même un privilège d'être sur scène, de donner et d'avoir un public aussi grand et de pas livrer la marchandise. Je sais, c'est très débattable, mais quand même, je crois qu'au final, c'est comme un des bons mots pour la foule parce qu'elles sont remplies de compréhension. Elles sont toutes là en train de faire comme « Ah, il se porte mieux! Ah, il a l'air en forme! » Tandis qu'en 2013, ce n'était pas le cas. C'était le même proche de l'inverse. On était nostalgique de ses plus grands moments de gloire. Fait que, ouais, là-dessus, je trouve qu'il y a peut-être une belle humanité derrière tout ça, mais tu vois, j'hésite à le dire en tant que tel parce que au final, je crois que le mythe de Marilyn Manson dépasse, puis aussi on le comprend dans la foule parce que les gens sont heureux de le voir comme physiquement, mais ça dépasse même disons la personne humaine qu'il est, c'est l'entité, le personnage de Marilyn Manson. Et mon Dieu qu'il a l'air humain quand son maquillage il coule d'en face. Je me disais, mon Dieu, mais sans qu'à son budget il pourrait s'acheter du maquillage qui coule pas. Mais bon, c'est un choix artistique, on accepte. Mais là où peut-être que le mythe, encore une fois, dépasse même le spectacle, c'est peut-être l'envie des gens de dire « je l'ai vu ». Parce que les cellulaires, oh mon Dieu, ils étaient tous sortis là, pour filmer durant Sweet Dream. je trouve ça quand même, ouais, révélateur. On pourrait accuser ça pour tellement de chansons, des classiques, que les gens vont filmer pour garder en souvenir, mais on oublie complètement de vivre le spectacle à ce moment-là. Et il y en a... tout le monde avait sorti ses selles à ce moment-là. En particulier, j'avoue, j'étais pas là tout le long de la prestation non plus, mais j'avais de la misère à... C'était pas si crowded que ça, dans le sens où je pouvais quand même me déplacer, mais rendu à une certaine limite, en avant dans la foule, j'avais un peu plus de difficulté. Je voyais de loin peut-être un pied de l'action, puis c'était aussi ma volonté. Je crois que j'ai... j'étais pas assez motivée pour faire attention, faut que j'aille tester le trash. Et je me suis tannée. Et quel est le meilleur moyen de locomotion dans la foule pour se déplacer rapidement, efficacement, surtout en temps de festival? La réponse est le stage dive. Alors, j'ai vu que peut-être à un moment, quelques-unes avaient commencé. Oui, ce n'était que des filles qui body surfaient à ce moment-là. Et alors, j'ai décidé de prendre l'occasion pour les suivre. Le bon truc, c'est de pas y aller tout de suite après quelqu'un parce que les gens sont occupés. Ils vont peut-être pas nécessairement te voir, mais pas trop attendre, comme juste un peu après pour que les gens soient encore dans le mood. Alors voilà, je me sers du stage dive et je réalise que, comme moi, ouais, comme bien des festivals, la grosse scène est séparée en deux pour la foule. Alors la sécurité me prend carrément de côté. Je vais même pas jusqu'en avant du stage. Je trouve que là-dessus, ils peuvent soit couper le plaisir des body surfers dans ce sens-là, mais ça peut te donner un petit moment où tu te sens un peu vedette, parce que, ou plutôt mannequin, là, ça, durant défilé de mode, parce que là, t'as toute la clôture à traverser, aller jusqu'en avant, là, ça te donne le temps de faire des coucous à Marilyn Manson. Ah! Fait que là, tu marches, bon, j'allais dire, tu prends ton temps. Non, là, la sécurité te donnera jamais la chance de prendre ton temps, mais quand même, tu sais, tu fais une petite promenade, puis après ça, tu peux te dégager quand même plus facilement qu'en te déplaçant en même la foule. Alors, ouais, j'aurais pas dit que ça a été efficace ou même ludique, intéressant, mais finalement, oui! J'ai trouvé ça très drôle de pouvoir faire des tatas à Marilyn Manson. Fait que voilà, ça aurait été mon moment, Marilyn! Toi, tu te sens un peu spécial, comme, oh, quel moment intime j'ai vécu en lui faisant les beaux jours à deux pieds de lui, hein? Non, pas deux pieds, on le sait tous, la scène est ben trop haute pour se sentir prêt. Entre-temps! Ben oui, commence le spectacle de Emperor, groupe de black metal norvégien, je devrais plutôt dire pionnier du black metal symphonique, qui venait pour l'occasion chanter l'intégralité de Adams to the Walking at Dusk. Oh, Dieu, que j'ai rien à rajouter. Ben, effectivement, je suis pas une grande fan de black metal, surtout par mes connaissances. Et quand même, je savais, oui, l'importance de leur visite et que les fans allaient être au rendez-vous. Comme de fait, le trash va être très petit, très, très petit. Et j'ai envie que c'est pas vraiment un trash, c'est plus des affrontements un à un, épaule à épaule, pour les quelques personnes qui ont envie de participer. Mais il y en a une qui fait tellement toute la différence. Je pense que c'est pour ça que je voulais vous parler de ce qui s'était passé le samedi, juste pour parler d'elle. Tu sais, on est quand même un show de black metal, là, fait que... Et on est arrivé à Montréal, le port du Gaminet Noir est... ouais, plutôt la norme! Mais dans le pit... The Emperor, il y a une fille avec un gilet tie-dye arc-en-ciel. Genre, j'aurais voulu l'imaginer, je me serais dit non, c'est beaucoup trop impossible. Ou je me serais dit, ah mon Dieu, c'est comme c'est une confrontation des clichés. Mais non, c'est possible, ça s'est passé. Il y a une fille avec un t-shirt tie-dye arc-en-ciel qui était là, comme assez exubérante. Elle tripait beaucoup, elle poussait le monde. Il n'y avait pas comme un sentiment d'uniformité dans le pit, là, fait que c'est un peu un à un, comme je vous ai dit. Mais elle est là. Elle est présente physiquement là, pour le groupe. J'ai tellement trouvé ça beau et surtout inattendu. Ah! Plus de tie-dye, plus de black metal. C'est-tu pas magique? Vraiment, je suis heureuse de l'avoir vu de mes yeux. Complètement. Et autrement, les body surf, je les ai trouvés très beaux aussi durant un peu. Les filles étaient très solennelles. Il y avait les bras en croix, très droits. Vraiment, ils avançaient. C'était C'était, ouais, ça fitait avec la musique. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Sur ce, non, on s'en va pas écouter Jumper sur les ondes de CISM. On s'en va plutôt écouter des groupes avec des petites grandes tangentes de black metal. Alors, pour les amateurs, profitez-en. On s'en va entendre Ordox et la chanson Soyez éliminés. Ce sera suivi de Akitsa avec la chanson Je n'y serai pas. se soit très bien. Et il en écran. Petit segment black metal sur les ondes de CISM avec Akitsa sur l'album Grand Tyran. Vous avez entendu, je n'y serais pas. Quoique j'y étais à EV Montréal, alors il n'y avait pas de choix thématique avec le titre. Sinon, vous avez entendu Hordox sur leur plus récent album Towards Eternity et la chanson s'appelait Soyez illuminés. Et oui, vous écoutez Critique de Crowd. Et là, on est presque dimanche, on est presque! Parce que en tout dernier dans la programmation, le samedi, il y avait Between the Buried and Me, que je n'avais jamais vu en spectacle et que je devrais retourner voir parce que je suis restée peut-être 10 minutes maximum. Après une longue journée, après être toute trempée puis pas séchée vite, de la pluie, aïe aïe aïe, ouais, parce que c'était une méchante averse quand même. Fait, je me sentais... un peu lessivé, mais non, je sais pas à quel point je pourrais accuser la pure fatigue physique pour ne pas être concentré. Et quand même, c'est du prog metal. Je pense que ça demande une certaine concentration des fois dans la foule. Aussi, tu sais, ça va être tranquille, fait que y a pas de quoi que va ouais te motiver à rester parce que tu y trouves une certaine forme d'adrénaline qui va te garder éveillé, concentré. Surtout que un peu trop s'énerver. Moi, je suis pas restée assez longtemps, mais j'ai eu comme quoi, des fois, il y en avait qui essayaient de trasher durant Between, puis que c'était ah! Peut-être pas d'addon non plus. Ouais. Ça me rappelle la dernière édition, plutôt l'avant-dernière d'EV Montréal, où il y avait Cult of Luna. Et des fois, il y a un petit peu cette confrontation-là entre les festifs festivaliers et les gens qui sont venus pour le groupe et qui s'attendent pas nécessairement à ce que ça s'énerve. Pas juste qu'ils s'assemblent, parce que c'est des... Ouais, ils sont fans, puis ça fait partie du monde musical, qu'il y a pas nécessairement beaucoup d'action. Alors des fois, il y a peut-être certaines petites tensions. Ouais, on le dit... on va le dire poliment ici, mais moi, je m'appelle la Cult of Luna. Jadis, ça avait pas... je trouve dans la foule, il y avait une certaine tension qui était pas nécessairement agréable. Moi, je suis pas restée à Between pour sentir comme ça du tout. Les gens étaient attentifs, mais aussi tard, ma concentration n'était plus au rendez-vous, mais je me dis que la prochaine fois qu'ils seront à Montréal, ben j'y serai. Peut-être qu'en salle aussi, c'est un peu plus optimal. Si tu m'étais au spectacle, je serais vraiment curieuse, ben oui, d'avoir ta vision des choses, Crowd. Alors, Facebook, courriel, magie de tout ça, tu peux me revenir, ça va me faire bien plaisir. Sur ce, on va aller tout de suite écouter les publicités. Je sais, tu les attendais, Crowd, parce qu'il va y avoir tout plein d'autres anecdotes. À tout de suite. SiriusXM présente, en collaboration avec Québécois, la 16e édition du FME à Rouyn-Noranda. Le FME, c'est 4 jours de musique alternative au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec Carquatin, Hubert Lenoir, Random Recipe, Nakane, Milk and Bone, Holy Two, Galaxy, Fouki, Zach Zoya et plusieurs autres. Réserve ton week-end du 30 août au 2 septembre. Viens vivre l'expérience FME. Cette semaine, au Virage Quartier Sud-Île. Mardi, Cinéma Politica présente Trajectoire et Quartier sous tension. Mercredi, Agro, 18h30, conférence Les Champignons. 20h30, projection du film Les Champignons pourront-ils sauver le monde? Jeudi, Saga 7, diffusion en direct du cabaret urbain dès 19h, suivi de la performance de Jérôme 50 à 20h30. Vendredi, The Ants s'amène au Virage dès 17h avec Aram, Kessa et Aouli. Info, Facebook, Le Virage. MTL. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. L'Institut de recherche sur les exoplanètes vous invite à une journée d'astronomie pour tous au Campus 1000 de l'UDM le samedi 11 août. Info sur campus1000.umontréal.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Ouais, ça tape. Hey, ne manquez pas notre prochaine édition du Festival Soir sur la rue Beaubien dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie le 10 août prochain dès 17h. Lutte d'artistes visuels. Karaoké professionnel. Parcours cinématographique et visuel. Concert de musique avec Bernardino Feminielli. Elle, Barbara. Christian Lapointe. The Blaze Velluto Collective. Louise. Catherine Vidal. Renaud Lasselle-Bourdon et plusieurs autres. De plus, le samedi 11 août, on vous présente un parcours jeunesse artistique des midi, un spectacle de Big Brave et Anna Maria en collaboration avec Blue Sky Stern Black à 21h. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site web www.soirmtl.com ou encore sur nos plateformes Facebook et Instagram. Hey Gab, t'as-tu le temps pour une bière après ton cours? Ben certain, mais je t'avoue que j'aurais le goût de boire autre chose que de la bière commerciale. Je commence à être un peu tanné. Ben là, on a juste à aller au Medley Simple Malt. Le Medley Simple Malt. Ben oui, c'est le bar Simple Malt Brasseur au coin de Bellechasse et Saint-Hubert. Ils ont tous les grands classiques de bière brassés au Québec puis en fût à part de ça. Wow, là tu jases. On se rejoint là-bas après mon cours? Parfait, à tantôt! Simple Malt Brasseur, de la vraie bonne bière en vente presque partout. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Fallait bien que je me décide à un moment donné à la couper, parce que sinon, on aurait écouté toute la journée. Ah oui, même après Critique de Crawl. On aurait écouté du Blind Witness. Ah, ben oui, parce que, un, c'est très bon. Tu vois toute mon excitation simplement te dire le nom. Mais aussi parce que tu écoutes Critique de Crawl sur les ondes de CISM en ce spécial EV Montréal. Et Blind Witness a fait toute la différence dans ma journée. Et j'irais même jusqu'à dire à mon année. Parce que oui, la veille... D'où tout la partie précédente de l'émission. Mais oui, où je suis fatiguée. Et pour tous ceux qui iront écouter la balado-diffusion de la semaine dernière, mais oui, je me suis pété le genou, tu sais, direct au début de la journée, le samedi de EV Montréal. Puis, je me disais, une deuxième journée, ça va être difficile sur le corps, c'est long, le soleil, beaucoup de bennes. Finalement, c'est toujours des mosh pits. Tu sais, un mosh pit, ça reste un mosh pit d'envie. Dit Critique de Crowd qui peut te le décrire pendant un quart d'heure. Ouais, j'étais peut-être morose, tout en euphémisme. Ouais, ça filait moyen, mais Blind Witness est arrivé et a tout changé. T'as aucune idée, si tu n'étais pas au spectacle et tu n'étais pas dans cette foule, t'as manqué quelque chose. C'était le premier show que j'ai vu le dimanche, puis je me suis dit, je peux pas voir meilleur. Pour la foule, je sais pas le Ben à quel point... ouais, je sais pas à quel point... Mais oui, il donne un bon spectacle, mais quelle foule! Quelle foule incroyable! Ça n'a juste pas rapport. Déjà, ça arrive un peu comme si de rien n'était comme Crowd. Le show commence, le pit est déjà là, mais il se passe rien. Il y a un gars, tout simplement un gars, qui est assis à terre. Hein? Il est assis dans la boîte, le gars, puis il est tout seul. C'est assez banal, c'est en même temps... Pas du tout. Parce que s'asseoir dans un pit, quand est-ce qu'on fait ça? C'est plutôt rare. D'habitude, on reste debout puis on pousse du monde. Fait que déjà, il y a quelque chose d'inhabituel, d'un peu intriguant même. Le gars est assis en boîte, elle est déjà mouillée, c'est le début de la journée. T'imagines, ça part bien, avoir le derrière déjà boiteux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y en a un autre qui va s'asseoir avec. Puis un autre. Puis un autre. Ça fait une rangée de monde assis. Et là, ça en a pris 3-4 que j'ai fait, OK, moi et tout, je m'ajoute. Et Il y a eu un petit headbang, disons assis, mais bras dessous. Mais relativement, les gens sont restés assis pour regarder le spectacle avec une assez belle vue, parce qu'étant donné qu'il y avait la distance du pit qui était vide, les fans qui sont en avant, ouais, c'est un angle déjà assez inhabituel pour voir le spectacle. Il y a une situation, ouais, originale. Déjà, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose, quand même assez drôle. Là, oui, disons, ici et là, tout le long de la performance, il va y avoir du moshing, du trash, un bon mélange des deux qui est quand même assez harmonieux entre les deux types de mouvements. Et il y a surtout un cerceau. Il y a quelqu'un qui a amené, oui, cet élément d'art de cirque pour faire du hula hoop. C'est ça aussi, ça sort un peu de nulle part. Un cerceau qui partage un peu, et où une fois, il était à terre, fait que je le prends. Et je me tente au la hoop. Hey boy! Je sais pas si toi, Crowd, t'en as déjà fait, mais ça a l'air vraiment plus dur que ça en a l'air. C'est juste parce qu'on voit des gens habiles de se déhancher. Mais là, j'étais là en train, puis ça marchait pas pantoute. Fait que j'ai essayé ça. J'ai essayé plus haut. Pour tous ceux qui sont vraiment mauvais, là, je te dirais, en dessous des bras, là, c'est quand même plus efficace. Ça a plus de retenue que les hanches. Fait que là, j'avais l'air semi-bonne. J'étais comme, ouh, la hoop! En train de écouter du metalcore. Je veux dire, c'est un agencement assez exotique. Juste en soi, je trouve que je vis un moment, mais il devient vraiment collectif plus le spectacle avance. C'était beau. Ça, je pense que la dégringolade de folie est arrivée quand Spider-Man, ouais, nul autre que Spider-Man, a décidé, pendant qu'un autre tenait le cerceau, de sauter à l'intérieur. Alors, ça a été quand même un bon élan. Je crois qu'il se prenait pour Superman et non Spider-Man, mais bon. On s'ostinera pas sur les super-héros. Mais là, les gens ont commencé à l'applaudir comme... Déjà, on voit que la codification du spectacle est complètement modifiée, parce qu'on applaudit les choses qui se passent dans la crowd et pas nécessairement sur scène. Moi, je me demande, en tant que musicien, s'ils catchaient tout ce qui se passait dans la foule. Parce que plus qu'une fois, on a applaudi pour des prouesses. Il s'est passé des affaires, je te le dis. J'avais pas assez d'yeux. J'ai manqué des bouts, c'est assez clair. Parce que là, à un moment donné, le cerceau, on décide de le lancer, alors, en l'air et de plus en plus haut. Fait que quand les gens réussissaient à l'attraper, ben oui, les gens applaudissaient aussi. Jusqu'à ce qu'un coquin décide de lancer le cerceau sur une fille qui était embarquée sur les épaules d'un camarade de foule, et elle a réussi à le rattraper. Elle a comme rentré dans le cerceau. Fait qu'encore une fois, tout le monde a applaudi. C'était plutôt compliqué à la fois de le lancer, à la fois de le recevoir. Et après, elle-même, elle l'a relancé par la suite dans la foule. Il y avait vraiment un gros partage crowdien là-dessus. C'était, ouais, c'était comme enfantin. C'était gamin, sans malice. Vraiment drôle! J'ai vécu comme une joie de foule assez unique, que dans ce ludique-là, là, je trouve que c'est vraiment dur à battre. Parce que même dans le Circle Pit, qui a été calé à un moment donné, ben oui, les gens se mettent à participer, puis oui, ça tourne. Il y en a un qui trébuche et qui fait une roulade en même temps de trébucher. C'est trop beau pour être vrai, je veux dire. T'étais en train de te bêcher, t'as rendu ça beau. C'est ça. J'espère que tu t'es pas trop fait peur en passant, si tu es en train d'écouter CISM et que tu te reconnais. Pendant ce temps-là, évidemment, dans le Circle Pit, ben oui, à l'intérieur, il y a toujours cette section de gens qui headbang, qui vont trasher, ils vont vaquer à leurs occupations. Et leur occupation, c'était de faire un backflip, mais pas tout seul. Il y avait deux amis, ils se sont donné le cue, puis ils ont fait un backflip en même temps. Ça, c'était assez bon, merci. Et ça aussi, ça méritait des applaudissements. Ah! Ben oui, c'est sûr que ce sont arrangés, puis oui, ils se sont pratiqués, je veux dire. Il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire mécanique, dans le sens où c'est pas un mouvement aussi organique que quand on trash, puis qu'il va se passer bien des choses à l'intérieur. Mais c'est si beau, cette permission que les gens se donnent aussi d'aller hors des codes, en quelque sorte, du trash, mosh pit, body surf. Ben là, j'allais dire stage dive, mais à IV Montréal, c'est un peu difficile. Ouais. Et là aussi, que je trouve très intéressant, c'est le rapport entre la foule et le groupe. Parce que je ne crois pas qu'à un autre groupe, ça se serait passé. Parce que ça ne s'est pas passé. Je veux dire, c'est cette fois-là, durant le festival, que j'ai vu autant de folie. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce merveilleux groupe de pirates métal, Alice Storm. Oui, c'est passé des choses proches dans cette même folie qui est aussi due au fait qu'on est en festival. On est un peu lol, yolo. Mais en même temps, on est en début de journée. Le monde ne sont pas encore tous arrivés. On est le lendemain d'une grosse journée. Peut-être qu'il y avait des gens qui arrivaient frais et fringants, là, mais je trouve qu'il y avait vraiment une énergie particulière. Je pourrais pas dire, parce que c'est la première fois que je voyais Blind Witness en spectacle, mais il y avait quelque chose de vraiment unique à ce show-là à l'extérieur. C'était beau. Et même dans la complicité de foule, à un moment donné, j'ai headbangé, puis il y a quelqu'un qui a dit « Hey, attends-moi, on va le faire en même temps. » Fait qu'on a headbangé ensemble, puis on se connaît pas, puis on a poursuivi notre route de spectacle. Et je trouve ça encore plus sympathique. Tu sais, des petits moments comme ça qui font, oui, la différence dans la foule. Oui, c'était beau. Et pour la conclusion, c'est juste parce que ça m'a fait beaucoup sourire. Ouais. Le chanteur, il nous a souhaité bonne soirée, mais il était comme 3h de l'après-midi. Je comprends que ta journée est longue, mais en même temps, enfin, ça prouve surtout que les métalleux sont pas habitués de jouer au soleil. Et peut-être que tout ça est dû à la luminosité. Qui sait? Sur ça, on va continuer, en bonne thématique deadcore pour que ça file bien. Une belle petite suite musicale pour rendre hommage à Blind Witness. Alors, ça va écouter le groupe français The Hearts avec la chanson Mon Épitaphe. Mon épitaphe. Vous aurez reconnu cette chanson de Despise Icon, Les temps changent, sur leur album Day of Mourning. Vous avez aussi entendu sur l'album Soleil Noir, vous avez entendu The Horse et la chanson Mon épitaphe. Hey, on va continuer tout de suite en musique avec Birmanie qui nous ont offert. Ben oui, c'est bien gentil de leur part. Une belle chanson cette semaine. Alors, allons entendre Peu importe. Ils sont en spectacle le 24 août à la Casa del Popolo avec Zouz et Luc Sacré. Allons les entendre et plus de suggestions après cette chanson. Oh, Birmanie sur les ondes de CISM. Et juste avant, je te disais que j'avais des suggestions pour toi, Crowd. Et oui, tout plein de spectacles cette semaine pour voir toujours plus de bonne musique et de foule. Et ce soir, à la Ruelle Gabrouerie, ben oui, il y a les spectacles de la Ruelle dans Hochelaga. Et ce soir, ça va être Canaille. Alors, je crois que ça va être assez sympathique. Sinon, il va y avoir Drug Dealer à la Salarossa si tu veux poursuivre ta soirée, parce que c'est quand même tôt, hein? Arrive de bonne heure dans ta Ruelle. Vendredi, samedi, ah! Oh my God, ça va être beau! C'est l'île Sonic! Et pourquoi je suis aussi excitée? Parce que j'y serai, Crowd! Et oui, j'avais fait la critique de la toute première édition de l'île Sonic. Les gens me regardaient d'un air perplexe comme « Jolene, tu vas vraiment à l'île Sonic, festival de EDM? » Oh oui, j'y allais de façon tout à fait naïve. Et j'y serai, encore une fois, de façon tout à fait naïve, parce que je ne connais que Black Tiger Sex Machine qui est dans la programmation. Après ça, il n'y a pas un nom qui me dit de quoi, à part Loud, juste à temps que je réalise que c'était Loud Luxury, fait que c'est pas du tout le même artiste. Alors oui, je connais la réputation de l'île Sonic. La première fois, elle n'en avait pas exactement une, tu sais, elle avait que des préjugés puisqu'elle n'était pas encore passée. Mais maintenant, j'ai bien hâte d'y aller et j'ai bien hâte de vous rapporter les propos. Si vous avez des commentaires, des suggestions, parce que vous y êtes allé dans les éditions précédentes, envoyez ça au Facebook de Critique de Crowd. Ça va me faire très plaisir d'être averti. Sinon, ben écoute, samedi, il y a la Fala. C'est un beau festival dans le quartier Saint-Michel à la Tahu. Puis là, ils construisent une grosse structure qu'ils vont brûler justement samedi. Ça va être un gros, gros événement. Ça va être très beau. Et sinon, samedi et tout, c'est Nika Motane, Montréal. Un gros spectacle à la place des festivals organisé par des artistes des Premières Nations. Alors, tu vois, trop de belles activités le samedi, puis je m'en vais à Île Sonic. Je fais des choix douteux. Je l'assume. Et dimanche, je ne peux pas y aller. Puis ça, quand même, faudrait que j'y aille un jour au MTLUS. La compagnie créole. J'espère qu'il y a une belle ambiance. Je veux dire, ça doit danser. Les gens doivent être heureux avec les oiseaux. À suivre. Lundi, show de hardcore, Nausy. Je connaissais pas, mais j'avoue que je les trouve bien intéressants. C'est Show Me The Body. Ils vont jouer à la Vitrola. Mardi, petite soirée deadcore avec Traitors, Things of the Worms, Falsifiers, Lost Creation. Tout ça, ça se passe au Ritz PDB. Mercredi, dans le cadre de Fierté Montréal. Fait que ça veut dire que c'est gratis pour Parc Faubourg. Il y a Princesse Nokia, fait que c'est très, très le fun. Et voilà, ben c'est mercredi, ben on a fait le tour de la semaine. On s'en va écouter des chansons qui sont douces pour tes oreilles parce que... oui, j'ai avec beaucoup de métal, me suis dit, je vais essayer de me modérer. Alors voilà, ma modération se passe dans le palmarès. En deuxième et douzième position, Mon Doux Seigneur et Dave Chose avec leur chanson Tempérance et Pizza Congelée. Hi. Je dois s'en sortir. dirai plus rien. Amène-moi quelque part où mes erreurs prennent fin. Amène-moi quelque part où ma démence s'éteint. Chauve sur les ondes de CISM et vous avez aussi entendu juste avant Mon doux Seigneur. Les deux chansons se retrouvent parmi 30 en tout qui forment le palmarès francophone de CISM. Il y en a deux même. Waouh! Ça en fait de la musique à découvrir à la fois sur les ondes FM, à la fois sur les balados, à la fois sur la nouvelle liste Spotify. Waouh! Et je suis beaucoup trop excitée. Hein? En vous affirmant toutes ces belles choses que je vous répète semaine après semaine, c'est ISM893.ca. Je pense que je suis surtout heureuse de vous parler de ma deuxième journée de EV Montréal. Ben oui, un beau dimanche. Et comme je vous ai dit, Blind Witness a comme complètement changé la donne pour Critique de Crowd. J'étais heureuse, mais complètement heureuse. Déjà, je m'étais pas blessée encore à cause de la grosse garnotte qu'il y a par terre. Alors, ouais, je me disais, c'est une merveilleuse journée qui va se poursuivre, mais elle était remplie de choix à prendre, puisque en même temps, jouait Emur, groupe de hardcore death metal qui, pour moi, font surtout dans le néo-metal. Là, je trouve qu'on le sent beaucoup. Je te passe un extrait, puis finalement, on va se dire que ça sent pas tant le néo-metal. Mais ou l'inverse, tu peux te dire, oh mon Dieu, il rappe sur son métal, alors c'est très néo-métal, même si c'est bien brutal. Ah là là, on pourra en parler, mais j'ai décidé, de plus les abandonner. Ouais, c'était un gros combat dans ma tête, hein. Emur versus Get The Shot, puisque Get The Shot, groupe de Québec qui font toujours des spectacles flamboyants, où le chanteur finit toujours par stage diver, puis être dans la foule, puis il y a une grosse énergie, c'est très fort, très hardcore. Et je me suis dit, allons à la découverte, Jolene. Alors, je vais voir Emur et... J'assume que dans Critique de Crowd, il y a l'aspect où musicalement, quand ça vient me chercher, nécessairement, je vais avoir un enthousiasme personnel et je... Oui, ça va toucher ma critique. Mais j'étais ouverte à voir sa foule à Emur. Mais c'était plate le moment que j'étais là. Je pense qu'il s'est arrivé d'autres actions, peut-être plus tard. Mais quand j'y étais, c'était les aspects un peu négatifs du hardcore. Tu sais, quand c'est un énorme mosh pit... vide. Il est énorme et il y a pratiquement personne. Et surtout, on est vraiment dans du moshing très solitaire, là, où on se prend pour un karaté kid. Je crois qu'il y a eu des roulades, mais ça m'a pas assez marqué. Mais autrement, il y avait comme un gars. Il y avait un fan, vraiment le fan des fans. Il était rose de la face, tellement il était essoufflé à chanter toutes les chansons. Je veux dire, il était rose de sa face et de son t-shirt, fait que je le trouvais bien agencé. Mais il l'était pas... je crois que ça devait graduer, là, dépendamment le long de la performance. Là, reprendre le souffle, garçon. Mais oui, il se donnait beaucoup, il mochait beaucoup. Il chantait pas, là, tu sais. Ça venait, là, ça sortait de plein cœur, les paroles. Pendant ce temps-là, ben ouais, peu d'autres gens, pas toujours du monde. Et je crois qu'à quel point le pit, des fois, a quelque chose d'imposant, encore plus quand il est vide. Tu sais, on dirait qu'il faut que tu décides, toi, d'aller t'énerver, faire des folies, vivre comment tu as envie de vivre ton spectacle, chose qui se passe pas quand c'est très classique moshing. Il y avait comme une fille qui a décidé de sauter en avant, tu sais, juste là où les gens sont en avant de la clôture, mais ils sont quand même, tu sais, tranquilles, qui bougent pas. Fait qu'elle sautait sur place, elle s'énervait, mais elle a pas participé dans le mosh pit. Fait que je trouvais qu'il y avait comme, ouais, un sentiment que les choses étaient imposantes, mais pas accueillantes. Ouais, fait je vois, fait je me suis dit, off! Allons voir Get the Shot. Allons voir si j'ai fait le bon choix. Alors, je m'en vais de la foule et je réalise en même temps qu'il y a des séances d'autographes à côté de la scène. Il y a vraiment un line-up. Je me suis dit, mon Dieu, les gens sont bien cordés pour regarder le spectacle. Mais non, non. Il était juste vraiment fan de Asking à Alexandria. Puis il voulait être certain d'avoir leur photo, leur selfie, leur autographe. Là, ils ont sorti le calepin, peu importe. Je n'ai pas vérifié ce type de crowd-là puisque je me dirige à la petite scène où il y a Get the Shot. On est vraiment vers la fin du spectacle, mais évidemment, l'ambiance est survoltée. Et je me suis dit... C'est pour ça qu'au début, je voulais pas y aller. Je me suis dit, ah, c'est pas la première fois que je fais la critique de Get the Shot. Puis ils sont tout le temps comme enflammés, ils sont dedans. Puis c'est... il y a de la rage. Puis en même temps, tout le monde est dedans. Fait qu'il y a quelque chose de étrangement harmonieusement collectif et beau, genre on est ensemble, puis un beau partage. On est ensemble, mais des fois on embarque un par-dessus l'autre en escalade, fait que on sent on peut sentir qu'il y a un aspect collectif, mais pas nécessairement où tout le monde va pas nécessairement recevoir des coups au mauvais endroit, comme « Oh non, ma face! » Oui, ça peut être dangereux aller voir un spectacle de Get the Shot, mais quand j'arrive, je suis surtout charmée, encore une fois, oui, en pensant à Emperor ou la fille qui portait un gilet tie-dye me remplit de joie. Ben là, il y a une fille qui moche. Et vraiment, je trouve qu'il peut y avoir différentes techniques dans le moshing. Où, oui, tu peux rentrer pour karatéka. Des fois, tu te bats tout seul avec toi-même, plus ou moins avec des techniques. Plus piocher avec les pieds. Je crois qu'il y a quand même une variété intéressante dans le mouvement, mais ça semble si précis d'un point de vue extérieur que des fois, tu te dis, ah, j'ai pas la technique, j'ai pas envie de m'élancer comme ça un peu dans le vide. Mais elle, je trouvais vraiment que c'était... Oui, encore une fois, bien à elle, les mouvements. Et surtout, dans le moshing, il n'y a tellement pas beaucoup de filles. Tu sais, contrairement à Trashy, oui, bon, c'est plate à dire qu'il n'y a pas encore plus de... Il n'y a pas autant de filles que de garçons, mais dans le mushing, d'habitude, il n'y en a comme même pas. Et alors, elle était là, elle était tout petite, dedans, elle s'imposait. Alors, quand je dis que l'autre pit des murs était grand, mais imposant et surtout vide, moi, j'ai l'impression que c'est dur de se rendre là. J'ai pas senti ça à Get the Shot. On avait envie de s'élancer, et particulièrement en la regardant, elle, qui tripait, prenait des petites pauses, elle retournait voir son chum, elle retourne mocher. Je trouvais ça tellement... beau. Faut agir comme on a envie d'agir en spectacle. Et pour moi, c'en est un exemple d'y aller à sa vitesse, à son niveau, à sa discrétion du type de mouvement aussi. C'est ça qui fait que c'est beau, la crowd. Ah! Fait que déjà, ouais, je trouve déjà que j'étais mis au spectacle de Get the Shot et j'avais fait un bon choix. Le Wall of Death, il y en a eu un et paraît-il qu'il n'était pas de timing avec la musique. Je crois que j'ai cligné des yeux à ce moment-là parce que j'ai pas participé. Mais j'ai cligné des yeux encore une fois quand, boum, tout le monde est sur scène. Je me suis dit, voyons, quand est-ce que le monde a décidé d'embarquer? Est-ce que tout le monde est parti de coulisses puis on a décidé de monter sur scène? Vraiment, il me manque un moment. Je sais pas, je regardais la foule, je regardais la fille mocher clairement parce que... parce qu'il y a eu même un trash sur scène. Il y avait plein de fans, plein de monde. Il y avait un gars avec un t-shirt qui était devenu une camisole. Là. On voit le couturier en lui. Fait que ouais, qui chantait toutes les paroles dans le micro du chanteur. Non, parce que le chanteur fallait qu'il chante. Du guitariste, le bassiste, peu importe. Il était là. Il avait décidé que lui, c'était son moment dans le micro. Puis il chantait toutes les paroles par cœur. Il était dedans autant que le chanteur. Puis ça, c'est quand même assez difficile. Fait que j'ai trouvé ça, oui, beau. Puis ça prouve aussi... Ouais, sûrement comme émeur que les fans sont vraiment comme hardcore fans parce que c'est du hardcore, mais il y avait un beau sentiment là, de rassemblement, surtout à ce moment-là, inévitablement, parce qu'il y a tant de monde sur scène, c'est dur de pas sentir rassemblé. Et je crois que le plus beau moment, et même le gars, il s'est fait féliciter après, là, quand le show était fini, le monde allait y serrer la main. Et c'était un monsieur, je vais le dire ainsi, un monsieur avec une barbe blanche. Écoute, c'était grand-papa, mais qui écoute du hardcore. Et il a décidé de stage-diver. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est assez difficile de faire ça à Ivy Montréal, étant donné la hauteur des grosses scènes, étant donné la distance, étant donné surtout la sécurité qui va jamais te permettre. Fait que le gars, ouais, il s'est élancé. Et surtout après le spectacle, quand il se faisait féliciter par les gens dans la foule, j'ai marqué qu'il portait une canne. Fait que le gars, c'est vraiment un téméraire. Il a vraiment tout mon estime. Mais vraiment, vraiment, c'était beau. Les gens ont applaudi, le monde trippait. Là. Ça a été comme un point culminant. Et surtout, ça a bien clôturé le spectacle de Get the Shot. Là. Vraiment. Ouais, ouais. Et ça m'a confirmé que si vous les avez jamais vus en spectacle, oui, si c'est pas votre genre, je vous comprendrai d'être un peu loin de la scène, mais allez-y sur les côtés pour pouvoir assister à cette belle foule et aussi à ce beau spectacle. Mais je pourrais pas faire une critique uniquement négative de Hamer parce que quand je suis retournée, je suis arrivée exactement à la fin, fait que les gens ils criaient « One more song! » Et c'est pour ça que je dis que les fans ont l'air vraiment fans parce que non, c'est pas toutes les shows qu'il y a à Ivy Montréal où on entend les gens scander pour en avoir plus. Mais ouais, c'était plus froid. On dirait que j'étais dans des contrastes chauds et froids de hardcore sur ce. Ben ouais, on va écouter de la musique. Je l'ai dit mille fois hardcore, fait que on va aller en écouter avec le groupe français qui existe, mon Dieu, depuis plus de 20 ans, L'Esprit du Clan et leur chanson Révérence. Pour l'étrape, pour les signes de guerriers. Toujours plus de galage, toujours plus de distorsion, beaucoup plus de métal sur les ondes de CISM. Et le dernier extrait que vous venez d'entendre, parce que c'était un extrait, ce n'était pas la suite de la chanson Révérence de l'Esprit du Clan. Non, non! Les oreilles les plus fines auront bien reconnu Power Trip, qui était en spectacle à EV Montréal le dimanche. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ben oui, c'est un groupe, trash metal, crossover, hardcore, un peu tout ça. Un peu tout ça. Mais tu vois, je suis confuse, crowd, parce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui m'a appris que Power Trip, c'était un fan, alors il s'était déplacé aux États-Unis pour voir Power Trip en spectacle, et les gens ne faisaient que mocher. Et en tant que métalleux, il trouvait ça un peu décevant parce qu'il est pas très hardcore, et je trouve ça surprenant parce que, bon... Peut-être qu'avec l'extrait que je viens de vous passer, c'est est-ce que t'as envie de mocher, d'après toi? Moi, je trouve pas, personnellement. Ça m'a vraiment surprise comme information. Je trouve qu'on est vraiment plus proche... je sais pas, la culture métal, le trash, et que ça trash, justement. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est drôle parce que j'aurais très facilement pu vivre mon spectacle de Power Trip sans savoir cette information et me dire « Ah, quelle succession de gros circle pit inarrêtables! » Mais en sachant qu'il y a des habitudes complètement inverses, pas si loin, juste aux États-Unis, ben vraiment, je trouve ça très intéressant. Oui, parce que sinon, dans un sens, j'ai envie de dire que la foule était prévisible. Enfin, pour le Québec, peut-être. Et par rapport à la musicalité, ouais. Des gros circle pit. Ça trash, mais je trouve que les trash, ils gardent toujours comme un certain mouvement de rond. Et les circle pit vont aussi avoir des petits problèmes de circulation. Ouais, il y a souvent des bouchons. C'est quand même drôle à voir. C'est comme un gros tapon qui se promène avec deux, trois personnes qui courent autour puis sont comme « Attendez-nous! » où on vous rattrape, on sait pas trop qui poursuit qui dans le circle pit, évidemment, là. Mais reste que oui, il y avait comme un... Ouais, des fois, des parties où les gens étaient tous agglutinés tout en suivant le mouvement de foule. Comme tantôt, je vous ai dit, ouais, je trouve ça beau quand les gens ils décident d'agir selon leurs limites et leurs volontés. Et quand je dis limites, c'est parfois limites physiques. Il y avait un gars qui avait l'air vraiment de triper, mais il s'était visiblement blessé à la jambe. Il y a une espèce de grosse armature en métal autour de sa jambe, là, pas vraiment un plâtre. Mais il allait un peu dans le trash, de façon modérée. Tu voyais qu'il voulait pas se repéter la gueule. Mais qui pouvait pas se permettre de pas bouger. Tu vois, toute cette négation pour dire comme l'excitation modérée contre son gré, complètement. Fait que ça, je trouve ça, oui, très cute. Quoique, le circle pit, il y a beaucoup plus de possibilités qu'on pourrait le croire. Pas juste d'y aller dans le sens anti-horaire, là. Je pense plutôt, ouais, au fait qu'on peut y aller encore une fois à son rythme. C'est fou comment le dimanche m'aura confirmé ça. C'est drôle, on dirait comme une espèce de morale de la vie, comme « va à ton rythme, va comme t'as envie de faire les choses ». Je me sens vraiment quétaine, mais des fois, on regarde le spectacle dans la foule, puis on se dit « ah, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai la force physique pour trasher et m'énerver, et j'ai peur de me blesser, et tous ces aspects-là ». Et oui, il faut quand même considérer le milieu dans lequel on s'aventure, s'y adapter, avoir une certaine flexibilité, mais aussi de faire comme on veut, et... Au final, des fois, il y a des moments de fatigue parce qu'à tout le temps faire des circle pitch, je veux dire, des fois, il y avait moins de monde, des fois, c'était moins rapide. Fait que vas-y, au moment que ça bouge moins, ça aurait été mon cas parce que, écoute, une fin de semaine complète, t'es pas en train de t'énerver nécessairement à toutes les shows. Fait que je me suis mis à gambader. Ben ouais, je trouve tout le temps que circle pitch, c'est tellement proche de gambader. Alors, je gambade comme ça, comme un petit Bambi sur Power Trip. Et je sais que ça peut-être détonner. C'est aussi à ma discrétion de ne pas faire de la marche rapide ou de tout simplement, courir, mais pas trop non plus, parce que sinon tu dépasserais tout le monde puis tu pousserais plus personne, fait que le mouvement ne fonctionnerait plus. Mais ça prouve toute là la capacité, la possibilité d'y aller comme bon, ça nous semble, et non de voir ça comme ah, c'est dangereux ou ah, je vais pas me blesser. Non, je crois que même, tu sais, je veux dire, c'était drôlement sécuritaire. Je tiens à le souligner, mon gambadage était 100% sécuritaire. Il ne m'est rien arrivé. Puis que c'était possible et que ça donne toujours un petit plus. Est-ce qu'il y en a qui vont trouver que ça correspond pas au genre musical? Est-ce que c'est un peu ironique? Non, non, c'est juste que j'ai envie de participer. J'ai envie de faire partie de la mouvance. Mais j'ai pas nécessairement envie de tout le temps donner mon 200 000%. Fait que voilà. Power Trip m'aura fait bien réfléchir avec son circle pit rempli de ouais de niveau d'intensité. Sur ça, on s'en va écouter Rue Barbare parce que avec les bouchons de circulation, j'ai pensé mettre Rue Barbare de Cobra sur les ondes de CISM. Cobra sur les ondes de CISM. Ilala, ilala, ça sent déjà. Tant d'anecdotes à compter. À EV Montréal, trop de spectacles, trop de gens à rencontrer. Mais oui, j'ai vu des beaux habitués de CISM. Jean-Claude, je vous dis bien bonjour. C'est toujours beau de vous voir dans la foule. Quand on se reconnaît, crowd, qu'on se serre la pince, parce que c'est fort agréable. Et quand on se connaît pas, c'est encore plus drôle parce qu'il a fallu que je quitte momentanément le site. Il y a mon temps, les... Tu sais, les escaliers, là, pour ne pas traverser la rue. Ben ouais, il y avait des gens qui avaient une grosse... grosse pizza, puis donnaient de la pizza frette au monde. Il y en avait une couple qui avait des doutes. Ben moi, je suis de ceux qui aiment bien manger la pizza frette. Fait que je remercie Crowd qui pense à notre alimentation. Merci! Alors pour ça, on va écouter vraiment ma pointe de pizza de crabe, parce que c'est tout à fait thématique. Ce sera suivi de Red Mask, tout simplement parce que c'est bon. Sinon, je m'appelle Jolene Ruiz. C'est un honneur d'animer sur les ondes de CISM pour Critique de Crowd, puis on se revoit la semaine prochaine pour peut-être d'autres anecdotes d'EV Montréal, mais surtout, pour l'île Sonic, ça risque d'être magique. Tellement une femme dans la cuisine de Satan se fait rouer des maîtriser la planche.